On a des automatiques qui font, deux trois peupons qui font, les morts qu'il nous faut pour rentrer dans ta maison. On débarque à toucher dans ta rue, paire de gants, pas de paluche. On pète un plomb, t'es peut-être un bandit par ici, mais là-bas on t'a jamais vu. Donc arrête un peu. Oh, je veux un gros bolide, je veux du bénéfice. On allait cambrioler quand tu lisais des livres. On manie l'engin, on connaît les risques. J'ai toujours appris à compter sans mathématiques. Et ça va vite, beaucoup trop discret. Sans blase, ils nous voient pas, je crois bien qu'ils font exprès. Ils sont morts dans l'extrême, je suis toujours dans l'extrême. Le terrain des bits, ça, les pilons paralysent. J'ai moyen, c'est mon pétard à gauche qui pourrait finir dans ta bouche, là contre ta mère, la pute. On t'allume avant que ça les poches devant l'OPJ dans mon audition, je perds la vue. C'est la rue, les mines ont éliminé, c'est fini dans la minute. Si c'est toi qu'on fait, je sais pas pourquoi j'ai plus d'espoir après 24 heures de GAF, c'est la merde dans le cube. Je descends, je pète un lambeau, t'es stress, roule un col, je vois que lui il menace trop, ce soir on aura le temps, bip. Je descends, je pète un lambeau, t'es stress, roule un col, je vois que lui il menace trop, ce soir on aura le temps de tout. Une arme, deux gants, trois balles, une arme, deux gants, trois balles, je descends, je pète un lambeau, t'es stress, roule un col. Descends, je t'attends en bas, t'es stress et roule un col. Les gens comme t'as pas idée. Je suis le fruit de là où tous les mêmes ont validé. J'ai connu la foi, la folie, vu la vérité. Sans garder en anneau, je me dis que c'est mérité. Ils n'ont rien qu'on envie, bitch. Any day, anytime, je passe à la ligne, je prends une mini-tay, hey. Je kick ça depuis l'époque du Minitel. Oh, j'étais même pas né à l'époque du Minitel. Bitch, you're home, no gangsta. Incapable de m'arrêter à une langue. Comment des êtres sur le même track. And the brand new name, ghost, skr. Écoutez les chiffres, just dégage. Si les miens rappliquent, ça risque d'être très sombre. Le show cause des gars, non. Pogo le show cause des gars. Bitch, give me head if you ready, you dead, we don't play. They keep calling me, be like, why don't you stay? Tu peux me croiser avec les mêmes qu'hier. J'appelle RKMG, yes, weekend. Nouvelle gêne pire que celle d'hier. On court devant la Fortesta. On court toujours au fond de la classe. Je descends, je pète un lambeau. T'es stress, ça roule en cop. Je crois que lui, il menace trop. Ce soir, on aura le temps. Je descends, je pète un lambeau. T'es stress, ça roule en cop. Je vois que lui menace trop, ce soir on aura le temps de tout. Une arme, deux gants, trois balles. Je descends, je pète un lambeau, t'es stress et roule un col. Je descends, je pète un lambeau, t'es stress et roule un col. Je descends, je pète un lambeau, t'es stress et roule un col. Je descends, je pète un lambeau, t'es stress et roule un col.